au thermomètre, pression zéro au manomètre, à plus de 1000 kilomètres à l'heure est arrivé un être. Discours, amour toujours.